auditeurs, auditrices de la radio Isanganiro, bienvenue à cette édition dont voici le sommaire. Plus de 80 milliards de francs burundais est la somme que le Bureau central de recensement a besoin pour exécuter le recensement général de la population, de l'habitat, de l'agriculture et de l'élevage. Annonce faite ce vendredi par le président de ce bureau, Nicolas Ndayishimiye. Une semaine pour déménager, c'est le délai donné par le premier ministre burundais ce samedi aux personnes ayant érigé des bâtiments dans un espace appartenant à l'Athénée primaire de Bujumbura. Le directeur de cette école se réjouit, vous l'entendrez. Et les anciens élèves de l'école secondaire de technologie et de développement de Makamba, promotion 2022, réclament leur diplôme. Le directeur provincial de l'éducation à Makamba promet de suivre ce dossier. Voilà pour les titres. Alphonse Koubimana assure la mise en onde. Jean de Dieu ira causer à la présentation. Dans un instant, les détails. Ouvrons ce journal. Plus de 80 milliards de francs burundais, c'est la somme que le Bureau central de recensement a besoin pour exécuter le prochain recensement général de la population, de l'habitat, de l'agriculture et de l'élevage. Ceci a été dit ce vendredi par Nicolas Ndayishimiye, président du Bureau central de recensement, lors de la clôture d'un atelier de 3 jours sur le renforcement des capacités en matière de la couverture médiatique des activités relatives à ce recensement à l'endroit des journalistes Point Foucault qui s'est déroulé au chef-lieu de Gitega, capitale politique. Les journalistes participant à cet atelier disent avoir compris les règles et lois régissant la couverture de ce processus. Les détails avec Évariste Zikobanyang. Au cours de cet atelier de 3 jours sur la couverture médiatique du recensement général de 2024, ça a été une occasion de rappeler aux journalistes Point Foucault l'éthique et la déontologie du métier, surtout la loi portant recensement général. À la fin de cette activité, les journalistes sont rentrés satisfaits. Bisous Adolphe de la radio Akakiza faisait partie. On nous a dit beaucoup de choses en rapport avec son recensement. C'était des choses nouvelles pour nous. Mais on nous a informé sur les différents aspects de ce recensement. Essentiellement que ce recensement touche sur les secteurs qui n'avaient pas été touchés dans des recensements antérieurs, notamment l'agriculture et l'élevage, et comment ça pourrait contribuer dans le développement du pays. Le Conseil national de la communication était représenté à cet atelier par Ancien Karim Ngabo, chargé du monitoring au CNC, et qui fera aussi le suivi du travail des journalistes pendant le processus. Rappelle le comportement que devront afficher ces journalistes Point Foucault pendant la couverture médiatique du recensement. Ce que le CNC recommande aux médias et aux journalistes, c'est d'appliquer, d'observer ces textes et lois mis en place pour que le processus de recensement puisse se dérouler dans les conditions normales pour que le recensement puisse atteindre l'objectif attendu. 85 milliards de nos francs, c'est le coût total prévu pour ce processus. Seuls 46 milliards sont disponibles selon le président du Bureau central de recensement. Cela étant, Nicolas Ndayishimiye appelle les amis du Burundi à aider pour la réussite de ce processus. Aux partenaires au développement, nous leur demandons d'appuyer techniquement et financièrement le gouvernement du Burundi dans la conduite des travaux du recensement. Pour la population, nous demandons à ce qu'elle adhère massivement sans laisser personne de côté, donc au recensement, pour répondre aux questions qui seront posées par les agents recenseurs afin de permettre au gouvernement de disposer des données fiables et exhaustives. Si rien ne change, ce recensement général de la population, habitat, agriculture et élevage est prévu au mois d'août l'année 2024. Merci Évariste pour toutes ces précisions. Restons à Gitega, mais pour parler économie. Certains habitants de la province Gitega demandent que la récente hausse du prix du sucre soit suivie par son abondance sur le marché. À la société sucrière du Mosso, ils demandent l'augmentation de sa production. Les détails avec Gérard Nibigira. Les habitants de la ville de Gitega, avec qui nous nous sommes entretenus, demandent que la récente mesure de revoir à la hausse et le prix des sucres soit suivie par la disponibilisation de ce produit en quantité suffisante. Ce n'est pas le problème du prix qui a monté. Le seul problème, c'est que même si le prix a monté, il faudrait que sur le marché, il y ait du sucre suffisant pour toute la population. En fait, ces derniers jours, moi-même personnellement, je l'achetais à 5000 francs le kilo. Ce produit, on ne le voyait pas sur le marché. Le problème, c'est que même si le prix monte, nous n'avons pas de confiance que le sucre sera sur le marché en quantité suffisante. Il demande en outre à la société sucrière d'Omosso, Sosumo, d'augmenter sa production. Il faut que la Sosumo puisse faire des études profondes pour que la Sosumo puisse augmenter sa production, pour que le peuple ne va pas souffrir à cause de la manque de la production. C'est au moment où actuellement il n'y a aucun grain de sucre au marché central de Gitega, dans des boutiques et alimentations de la ville de Gitega et même dans les communes composant la province de Gitega. Et au marché noir, le sucre se vend dans une discrétion absolue à un prix supérieur ou égal à 4000 francs boules au kilo, comme l'indique la population anonyme. Depuis Gitega, Jeanne Bigira pour la radio Isangani. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. En page éducation, une semaine pour déménager et le délai donné ce samedi par le Premier ministre Bondé aux personnes ayant érigé des bâtiments dans un espace appartenant à l'Athénée primaire de Bujumbura. Le directeur de cette école, Isaïe Mbonihangouye, se réjouit et indique que des travaux de construction de la clôture vont bientôt débuter. On l'écoute. Après que l'ex-Athénée primaire, donc l'école primaire et le Héro 1, c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque, venait d'être supprimée et remplacée par un nouvel établissement que je suis venu diriger en 2003. Quand je suis arrivé ici, je me suis rendu compte qu'un hectare et demi de terrain avait déjà été exproprié par des privés. Et il y avait des bornes un peu partout qui avaient déjà été posées. Alors aujourd'hui, à l'heure que nous sommes revenus à l'ancienne superficie que nous allons clôturer, je pense, dans les quelques mois qui viennent. Nous avons récupéré aujourd'hui à peu près un hectare et demi de terre. L'honneur est tombé sur moi quand j'étais décoré. Alors j'ai vu que le gouvernement attache une très grande importance à ce qui est en train d'être fait ici à l'école secondaire technique administrative ESTA. Alors ça m'a motivé, j'ai approché les parents et les partenaires, les proches, la direction provinciale de l'éducation, la DCE. Tout le monde m'a encouragé avec le peu d'objets que nous avons commencé les travaux. Nous espérons qu'avec l'aide de nos supérieurs, toute la parcelle récupérée va être clôturé dans les quelques jours qui restent avant la fin des vacances, des grandes vacances. Et nous avons eu le soutien de son Excellence, le Premier ministre. Il nous a promis, il va faire des contacts ici et là, que le gouvernement va nous aider pour que la construction soit achevée le plus rapidement possible. De Bujumbura, rendons-nous au sud du pays, à Makamba. Certains anciens élèves de l'école secondaire de technologie et de développement de Makamba au cours de l'année scolaire 2021-2022 réclament leur diplôme. Kachin Dijuma, qui fut directeur de cet établissement, explique avoir commandé 20 diplômes des élèves réguliers sur un effectif de 98. Cependant, il signale que le ministère sectoriel a exigé l'acheminement de tous les diplômes pour signature. Le directeur provincial de l'éducation à Makamba promet de suivre ce dossier. Élisée Kwizera depuis Makamba. Ces élèves qui n'ont pas encore eu leur diplôme ont terminé les études l'année scolaire 2020-2022 à l'école secondaire de technologie et de développement Est de Makamba. Cette école privée vient de passer presque une année fermée par le ministère ayant l'éducation dans ses attributions. Ceux qui ont continué avec les études universitaires s'inquiètent que les sessions en cours de passation pourraient être nulles puisqu'ils n'ont pas leur dossier au complet. Et d'autres indiquent avoir déjà perdu confiance dans leur famille. Ils annoncent qu'ils sont considérés comme s'ils s'occupaient d'autres activités au lieu d'étudier. Ils demandent qu'ils soient octroyés leur diplôme. Kachin Djuma, qui fut le directeur de cette école, indique qu'il a connu le problème des moyens financiers suite au cas des irrégularités. demander à propos du paiement des frais scolaires sur 98 élèves qui ont été homologués dans les sections de l'informatique et de gestion et de banque et assurance, 20 sont seulement réguliers et a fait la commande des parchemins de diplôme correspondant à cet effectif faute de ses moyens financiers. Toutefois, au niveau du ministère de l'Éducation et de la Recherche scientifique, on lui a demandé d'acheminer tous les diplômes pour qu'ils soient signés. Le directeur provincial de l'Éducation à Makamba, Ernest Chiza, dit qu'il est au courant de ce problème et promet prendre à main cette question pour que les élèves réguliers aient leurs diplômes. Depuis Makamba, Élisée Kwizera, Radio Isanganiro. Merci Élisée Kwizera de Makamba. Rendons-nous au nord du pays à Kayanza. Les commerçants exerçant leurs activités commerciales au marché de Kayanza font savoir qu'ils craignent des maladies dites de main sale à cause des ordures qui sont éparpillées aux alentours du dit marché. Ceux qui se sont entretenus avec notre confrère demandent à l'administration communale Kayanza de résoudre ce problème. Gilbert Nyandui, administrateur communal Kayanza, indique que ce problème sera résolu avec la disponibilité du carburant de type diesel. Le point avec Patrick Saint-Guillaume. En bas du marché de Kayanza, le dépotoir est plein d'immondices et il s'observe également tout autour de ce dépotoir des ordures de différentes natures. Les commerçants exerçant leurs activités commerciales tout près de ce dépotoir déplorent qu'ils travaillent à perte du fait qu'ils ne trouvaient guère des clients pour leurs marchandises. À part le travail à perte qu'ils enregistrent, les mêmes commerçants craignent les maladies liées au manque d'hygiène et si rien n'est fait pour que ces immondices soient déplacés ailleurs. Ils demandent à l'administration communale et Kayanza de trouver solution à ce problème. Interrogé à ce sujet, Gilbert Nyandu, administrateur de la commune Kayanza, celui-ci fait savoir qu'il est au courant de ce problème de tant d'immondices se trouvant au marché de Kayanza. Il indique que le problème majeur est l'indisponibilité du carburant de type diesel, mais promet que dès que ce carburant sera disponible aux stations-service à Kayanza, ses ordures seront déplacées ailleurs pour ne pas nuire à la santé de la population. Depuis Kayanza, Patrick Nsengio va pour la radio Isanganilo. Et voilà, c'est par cet élément que nous mettons un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez avec Jean de Dieu, Irakoze à la présentation. Alphonse Kubgimana assurait la mise en onde. Mais tout dans un instant, vous allez suivre la revue de la presse. De la presse. Bonjour, bonsoir. Osez dire non aux ordres d'en haut, titre l'éditorialiste du journal Iwachu. Ce confrère fait sien ce à quoi fait allusion Aimé Parfait Niyonkuru dans son ouvrage « L'accès à la justice au Burundi, au-delà de la qualité de la norme, un problème de culture de respect de la loi ». Et dans lequel il dénonce un duel dévastateur pour l'accès à la justice au Burundi entre l'autorité de la loi et la loi de l'autorité. Pour lui, explique son confrère, lorsqu'il est question de dossiers sensibles, les ordres d'en haut font office de loi et au besoin remplacent les lois existantes à la grande angoisse des magistrats intègres contraints de traiter ces affaires. L'éditorialiste du journal Iwachu par des nominations approuvées par le Sénat, celle du nouveau procureur général de la République et des juges à la Cour suprême, des nominations intervenues au lendemain d'une affaire qui a fait la une des médias et le buzz sur les réseaux sociaux, l'incarcération de Christelle Ndayishimiye et les lycée communal Mugendo en commune Nega pour divulgation d'un secret professionnel, rappelle-t-il. L'éditorialiste de l'hebdomadaire Iwachu termine son commentaire en souhaitant au nouveau juge nommé aux hautes fonctions de la magistrature le courage de dire non aux ordres d'en haut. Pas de critères objectifs dans le choix des correcteurs de l'examen d'État 2023, regrette le journal La Voix de l'enseignant. En effet, explique ce journal, au centre de correction situé à l'école technique secondaire de Kamenge, relevant de la direction scolaire de Nahangwa en mairie de Bujumbura, Les enseignants présents sur les lieux ont décelé des abus. Les enseignants assis dans les bureaux pédagogiques et conseillers dans les différents services du ministère ayant l'éducation dans ses attributions ont été les premiers à être alignés parmi les correcteurs de l'examen d'État alors qu'ils ont d'autres dossiers brûlants à traiter, fait remarquer son confrère. Tout tourne autour du favoritisme et cela ouvre la voie au recours qui traîne en longueur. Mais l'arbre qui cache la forêt est la somme que perçoivent les correcteurs, note cet hebdomadaire de l'éducation. Revue de la presse. Le président Ndayishimiye invite son homologue russe à visiter le Burundi, rapporte Net Press, qui revient sur la participation du numéro 1 burundais au deuxième sommet Russie-Afrique, où Évariste Ndayishimiye a eu l'occasion de condamner l'usage abusif que certains font des droits de l'homme pour influencer les politiques intérieures des autres États et à réguler la géopolitique mondiale. Il est également revenu sur les tensions militaro-stratégiques entre les grandes puissances, avant de poursuivre que dans le domaine de la coopération économique, le Burundi estime que dans un monde dynamique en pleine métamorphose, l'on devrait laisser le libre choix aux pays souverains de se choisir librement leurs partenaires en fonction de la volonté et le désir de leur peuple, écrit ce quotidien en ligne. Et l'agence burundaise de presse de souligner qu'après la Russie, le président de la République, Évariste Ndayishimiye, devait rehausser de sa présence ce vendredi 28 juillet les cérémonies d'ouverture solennelle des Jeux mondiaux interuniversitaires prévus du 28 juillet au 8 août à Chengdu, en Chine. Cet athlète universitaire burundais provenant de quatre universités, à savoir l'Université du Burundi, l'Université Lumière de Bujumbura, l'Université Polytechnique de Gitega et l'Université des Grands Lacs, y sont arrivés mardi 25 juillet 2023, précise l'ABP, qui ajoute que seul l'athlétisme sera à l'honneur lors de cette rencontre. Alors, Monsieur le Président, l'urgence de stabiliser l'univers médical burundais est incontestable, alerte un membre du collectif des blogueurs Yaga. Avec un salaire de base de 77 000 francs burundais, pouvons-nous vraiment blâmer les médecins qui choisissent l'exode ? S'interroge un médecin burundais qui a changé de carrière et qui écrit une lettre au président, car de lui seul viendra le salut. Alors que la nouvelle organisation prévoit 100 jeunes étudiants en première année de médecine dans chacune des trois universités offrant la formation médicale, l'auteur montre que l'effectif à l'université du Burundi, Ngozi et Espoir d'Afrique est respectivement de 78, 68 et 27. Des chiffres en constante baisse qui devraient alarmer. Ainsi se referme cette revue de presse préparée et présentée par Jean-Bosco Ndouimana. À la prochaine. Revue de la presse.